Pardon. Tout ce que je dirai à partir de maintenant, Jean-Marc, Suzette, Jean-Francis, Frances, Francette, la petite pincette sur le bord de la fesse. Excusez-moi. Hey, le cochon est arrivé, il est temps de le tuer, il est temps de le tuer, mon Dieu. J'ai demandé une cathédrale, ils m'ont envoyé On est à Rome. On est à Las Vegas, à Gay, là. Lâche les gaz, Ritaz. J'avais à peine 11 ans. Quand je l'ai entendu la première fois. Dès ce moment-là, j'ai senti que ça faisait partie de ma vie. Devant le miroir. Si, le miroir, Ah, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Ah, mais c'est pas toi! Non, c'est, excuse-moi. Devant le miroir, je répétais ces gestes jour et nuit. J'écoutais ses chansons, j'apprenais toutes ses paroles, chaque mélodie, chaque intonation. Je voulais chanter exactement comme lui. J'avais hâte de monter sur scène, j'espérais qu'un jour quelqu'un me dise « Hey Renan, tu chantes du pelvis, hein? » Non, tu chantes du Elvis. Oh, OK. C'était un homme qui se donnait sur la scène et le monde entier savait l'aimer. Un homme sort croyant à son destin, tenant le monde entre ses seins. Pamela, entre ses... Hein? C'est pas ses... Entre ses mains. Et les seins de Pamela descendent derrière moi. Je ne vois qu'elle, qu'elle... Non, c'est pas ça. Tenant le monde entre ses mains, mais le king n'est plus. Il nous a quittés, il a résolu au bonjour du simple ouvrier à sa majesté, on ne pourra l'oublier. Non. Le king n'est plus, le king n'est plus, ses chansons vibreront. Puis moi, la belle petite Sophie, là, nourris-le au biberon, ce biberon, hein? C'était un homme qui avait réussi, qui aidait toujours ses vieux amis. Ah ouais, mon Johnny, viens avec ta marchette. Il voulait en partager son bonheur, mais le roi n'est plus, le roi n'est plus, non, le roi n'est plus, le roi n'est plus, merci Rita. Mais le king, non, il n'est plus, il ne reste plus qu'un souvenir. Tu ne sais plus rire, en raisonnant, je sais, on pourra l'oublier, toujours. King n'est plus, le king n'est plus, le Burger King n'est plus, le Burger King, le king n'est plus. Mais, mademoiselle, madame, monsieur Tremblay, ces chansons vibrant. Attention, avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissé de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Et puis voilà, il y a une unité quand même, bien sûr. Mais c'est quand même assez... c'est une histoire totalement extravagante pour 10 pages. Et alors c'est intéressant parce que c'est de la fiction sous forme d'un reportage. Et ça j'adore ce genre de... Et même ça pourrait faire un film, un court-métrage? Ouais, je pense, ouais. Est-ce que tu veux éventuellement t'en aller vers le cinéma ou... Alors oui, parce que en fait... J'ai déjà écrit deux longs métrages qui n'ont pas été tournés avec des réalisateurs, dont un qu'on retravaille encore. Un long métrage? Ouais, un long métrage qui s'appelle 1971, qui est l'histoire d'un groupe de rock qui entre dans une sorte de château en résidence pour faire son album, qui doit être l'album de la consécration avec un studio mobile, tout ça. C'est un vieux groupe. Ça se passe en 1971 et c'est un groupe français imaginaire qui aurait pu changer la face des choses en France s'il avait été jusqu'au bout, et on raconte son histoire et le petit truc qui va déraper pendant les séances, le bassiste meurt. De quoi? D'une overdose? Overdose, évidemment. Évidemment. Voilà. Et on s'aperçoit que ce bassiste n'était pas juste le bassiste, qu'il avait une importance cruciale dans le groupe. Voilà, c'était le leader parce que en fait il écrivait les textes, mais le chanteur signait les textes. Parce qu'il y avait un rapport entre eux depuis l'enfance. Tu vois, l'un était sous la domination de l'autre, et à partir du moment où le bassiste meurt, bah, le chanteur est à poil. Et là, il va dire aux autres, bah j'ai pas les textes. Et c'est pas moi, là. C'est... Voilà. Donc, imposture. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le groupe le vire? Okay. Et dit, putain, mais tu nous as menti pendant 5 ans, casse-toi. Ou alors est-ce que le groupe, là, se soude et devant l'adversité, essaie de dépasser ça. Voilà, et ça raconte ça. Et as-tu des fausses chansons du groupe? As-tu composé des fausses chansons pour le groupe? Non, ça sera un professionnel qui fera ça. Il y aura... Non, mais tu sais, créer un album. Mais il y aura ça, okay. De façon 70s, ouais. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils n'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus dur. Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit raconte. Soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, parce qu'ils partent avec moi. On est ailleurs, on oublie tout. Et on nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, que ça détruise tout, et puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. Et les amis. Et rigoler. Quand on peut, il faut rigoler. Courir. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon nom est Terry. Terrifiante. Oh mon Dieu, je connais... Comment il s'appelle, là? Truand! Oh non, pas Tony Truand! Oh! Faut pas en parler. On voit déjà un halo. Allô, comment ça va, mon ami? Le générique. Bien sûr, c'est un générique d'enfer! Et l'émission l'est-elle? Attendez, Crétel, l'émission l'est-elle? Oh ben, elle l'était, hein, et maintenant, oh, nous verrons quoi? Ben, le résultat! Ok, alors donc, si des gens commencent à calculer, l'arrivée de l'émission jusqu'à son point d'ancrage qui est maintenant... on passe à une chanson. Nous avons ici... Non, on passe l'ancrage. C'est l'ancrage, là. Mais l'ancrage, là. Lâche l'ancrage, mon Raymond. Non, je suis incapable de lâcher l'ancrage. Parce que c'est celui qui nous amènera plus loin. Plus loin, courage! Courage, partons, la mer est belle. Emparons-nous, pêcheurs. Oui. Oui, mes chers frères, nous sommes tous des pêcheurs. Nous le prouvons ce soir. Devant Dieu, nous nous mettons à nu. Mais moi, je suis pas capable. Hein? Moi, j'enlève une bretelle, là, puis je me sens comme... sali. À nu. Mais non, je peux pas, je suis incapable. À nu. À nu. Annuler le spectacle! On peut pas faire ça, voyons donc, ouais! On n'a même pas commencé à dire bonjour, mesdames, mesdemoiselles, mes lieux, puis dans quel lieu sommes-nous? Assez étrange. Ben, comme toujours, hein! On n'est même pas capable de trouver un endroit stratégique pour baser notre studio-maison. Là, on se retrouve chez Benjamin je l'ai entendu monter tout à l'heure, il m'a dit « Jerry, à Bedding, à Badang, à Bedding, à Greling, à Grelot. » Mon Benjamin! Qu'est-ce qui se passe, mon Benjamin? Ah, je peux pas te raconter. Ben oui, raconte-nous, ah! C'est l'histoire de ma Carla. Oh non, qu'est-ce qu'elle a, ta Carla? Non, pas ma Carla, ma carrière. Elle n'est pas terminée. Elle est en bourgeonnement. Elle s'épanouit. Oh, épanouir est un mot exagéré. Voyons donc. Exagéré. Je suis pas prêt à dire ça. Moi. Je ne chante que de petites mélopées. Ben ouais, arrête donc quand tu dis dans ta bouche, je louche d'étranges sensations dans ma bouche, je voudrais te voir, ma néon. Elle s'appelle la Léon. Elle avait besoin d'affection, non. Elle avait son copain, c'est pas vrai, ouf. En prison, non, je me mets pas de ça. Ce qui sort de prison, puis oh, elle avait besoin d'affection, conception. Ouais, je peux pas faire ça avec elle. Parce que là, je me dis, si tu fais affaire avec une demoiselle qui a besoin d'aide, mais que son copain est derrière, et en plus d'être derrière, il est... comme Benjamin Bariolé. Ben, comme Benjamin Bariolé, mais lui peut sortir de sa prison. Sortir de sa carcasse. Aller à Carcassonne, écrire des belles chansons comme Stéphane Lebière, Vin Lebière. Pardonnez-moi. Je demanderai à Stéphane Van Lebière de nous laisser déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Oui, parce que nous voulons être tranquilles ici. C'est un lieu de création radiophonique. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et aussi, bien sûr, il y a la cam. Pas de cam ici! Non, la caméra. On a eu peur, là. On se mettait dans le trouble. La police va arriver. Elle est déjà pas si loin que ça, là, hein? Elle est sur le coin de la rue, là. Puis elle sait très bien où se passe l'émission. Fait que si les lumières descendent trop rapidement, vous allez voir la... Oh, l'ambulance, les pompiers, la police, les sergents. La folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire du sergent, matin le printemps m'a fait comprendre comment gagner du galon. On s'en balayait la foudre, on l'a fait ça il y a un mois. Allez voir sur les sites radiophoniques, internet, n'importe où. La folle du régiment, on a eu un succès. Oh, combien d'entrées? Oh, on a eu plus de sorties que d'entrées. On a fait barrer les portes avant de faire le spectacle parce qu'on s'est dit, avec toute l'effervescence que notre animateur... Où est-il, Réginald Moinaire? Non, c'est pas c'est le moineau à l'air. Où est-il, le moineau à l'air? Ben, il est à l'air de la nouveauté. Oh, mon... C'est une stratégie, ça, là. Oh, moi. On peut pas dévoiler ça ici en direct. Ben OK, et puis si on enregistre, peut-être, mais encore là, je me mets... Rosa, il est exactement minuit 17 et 58 secondes, mais ça, là, c'est selon ma montre, hein, puis laissez-moi dire que j'ai une montre passablement anarchiste, une montre qui a appartenu ici à Didier Wampas, et je lui ai dit, fais-moi pas une petite passe, mon Didier, donne-moi l'heure exacte. Là, il m'a dit, elle marchait, elle marchait avant, hein, elle marchait. Tu l'as placée dans l'eau, dans l'eau bénite. Et j'ai dit, s'il vous plaît, apparais-moi des paysages venus d'ailleurs, venus de pays où il ne pleut pas. Donne-moi mon cœur jusqu'après ma mort. Non, fais battre mon cœur, ça c'est bon, attention, fais battre mon cœur. Jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras la reine de pique. Eh, me touchez pas vos cartes, là. Monsieur Tremblay, vous avez... Ben, moi, j'avais le roi de carreau. Ben, non, la dame de pique, le roi de carreau, ça fonctionne pas. Et moi, j'avais le valet. Levons nos verres au valet. Ben, on n'a pas de verre ici. C'est... Levons la bouteille. On n'a pas de bouteille. Levons-nous. Peuple, levons-nous. Chante ta délivrance. Oh, excusez-moi, oh, j'étais parti à... Oh oui! Réna, j'ai changé de pitoune. Le bouton. De bouton pressoir. Alors, presse-moi le bouton. Ma vie serait dans ton... Réna... C'est ici, c'est. Réna... C'est pas surround. Le micro reste là, le son bouge pas, moi là. C'est ma tête qui bouscule. Et puis surtout à l'intérieur, il y a tellement de bulles sans oxygène qui essaient de se promener, puis les idées veulent croiser l'autre, puis ils sont incapables. Puis l'autre qui se vante, il dit, oh, mon émission, c'est quoi? C'est les mots qui amènent les idées. Ben, comment t'es capable d'avoir des idées? Toi, regarde-moi ça, tes cheveux longs, c'est pour cacher ta lobotomie. parle de qui, là? Où est l'animateur? Il est toujours caché derrière des personnages et des mots et des structures langagières. On ne sait même plus comment l'engager. Puis même Madame Simoneau Simonac, c'est Diantre. Madame Simoneau Diantre. Non, mais ça fonctionne moins, hein? Il faudrait trouver quelque chose avec Diantre. Dis. Dis maman, si tu voyais ma vie. Quel trémolo. Je mange au mur, dis maman, mon amour est de sa vie. Pardonnez-moi. Et mon cœur Aujourd'hui, le vendredi 19 novembre 2010, l'Errance, les Errances Rénaldiennes, présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Oui, excusez-moi, j'avais la gorgette engorgée. Bon, ben moi, là, j'ai la gorgette dégorgée. Oh, la belle gorgette. Comment elle va? Elle va très bien, elle va très bien. Elle se la secoue une fois par semaine. Oh! Et quand elle secoue? Quand elle secoue, c'est du mou. Et quand elle brasse, c'est de la mare. OK. Laissons, pardon. Il n'y en a rien à comprendre. Excuse, il y a de la sueur sur le bout du toupet et le toupet qui ne me manque pas. On a manqué quelque chose, là. Ça fait combien de temps, là? Ça fait trop de minutes, là, qu'il n'y a pas eu de musique. Ben, il n'y a pas eu d'introduction, on n'a rien fait encore, là. J'ai demandé à Jean Thibodeau de nous éclaircir tout ça, mais il est obligé de nous lire que laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Bon, on va aller directement à mon ami Pierre Mikhailov, parce qu'il mérite déjà toute sa structure narrative que le personnage gagné lui a écrit. Hein? On n'a rien compris. Peu importe. Non, on l'a fait ça. Pierre Mikhailov est un écrivain et scénariste. Il a collaboré à Rock and Folk ainsi qu'à de nombreux... Rock and Folk, ça publie à 3 millions par mois. Le gars gobé, tout ça. C'est un imbécile. Alors bonjour à tous les imbéciles. Pas 3 millions, là, c'est beaucoup 3 millions. Là. Hein? Hey, combien il y a de francophones là, sur la planète là? L'Afrique doit pas en acheter beaucoup de rock and folk, malheureusement. Ce serait bien que ce soit un jour un pays riche, puis hey, une fois dans leur vie, regarde la télé HD et qu'ils voient les pauvres Québécois, les pauvres Suisses, les pauvres Belges crever de faim, tandis qu'eux, là, ont des restaurants, sont en train de vivre un moment exceptionnel. Puis là, ils disent, oh, on va donner un peu d'argent. Ah, hein? Oh, c'est... Hey, ils font pitié, hein? Ils ont pas d'eau courante. Voir ça à l'envers, là. Oh, un jour, l'Afrique vaincra! J'espère de pouvoir faire une émission là-bas pis de dire, les mecs, on va rigoler de tous les Européens, là, qui vous regardaient à l'époque, puis tous les Nord-Américains, j'avais la nausée lorsque je vous voyais, et maintenant, lorsque vous me voyez, je suis toute honte. Alors, Pierre Mikhailov est un écrivain scénariste. Il a collaboré à Rock and Folk ainsi qu'à de nombreuses revues imprimées ou en ligne. Fring, fring! Oui, c'est Jean-Marc. Êtes-vous en ligne? On est en ligne. Gardez l'appel. On peut la garder combien de temps? Simon, combien de temps? Au moins 2-3 minutes. Comment ça? Ben, on n'est pas branché sur le réseau. Le réseau social, pas Bezmour, quand même. Pardon, excusez-moi. Aux heures, as-tu l'heure? Oh, on a l'heure de la gaieté. Ah, mon Dieu, c'est pas à Montparnasse. Ah, gaieté Montparnasse. Moi, je suis allé au thé. Je veux pas faire suer tout le monde, là. Ah, lui, il a été partout. À l'Olympia, voir les Spoudjun, voir Limoulin, voir John Lennon. John Lennon, en 2010, j'étais là, juillet 2010, voir John Lennon en spectacle à l'Olympia de Paris. Maudit beau concert. Ils ont tout fermé les lumières, là. Puis il me semblait que ça me faisait penser à un CD que j'avais à la maison, là. Mais là, moi, j'ai cédé à ce charme incroyable. Puis il enchaînait chanson sur chanson, mais dans l'ordre de mon CD. Je me suis dit, je me suis fait avoir, il me semble, là, hein. C'est pas John Lennon, il est peut-être mort, ce gars-là. Mais ils m'ont dit, ben non, t'es un imbécile, tu crois aux informations qu'on t'offre à la télévision. C'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est ce que t'entends, c'est ce que tu vois. Mais je vois rien, mais j'entends tout. Mais c'est normal, là. Ils ont pas assez d'éclairage, là, pour focusser sur John Lennon. Mais ils ont tout mis le budget sur le son. Hey, c'est Surround Dolby Digital. About one people imagine everyone. I don't want to see the night. I'm on the religion. Catholic Buddha. Témoin de Jéhovah. Mouvement réelien. Réel, réel, réel, je t'aime. Réel, donne-moi de l'argent. 10% de ton salaire. Il y a des fantômes partout. Oh! Avant de me cry, on va craquer, craquer, craquer, craquer quelqu'un. Oh! Je suis lawless. Oh! As-tu vu? C'est Elvis. Oh, ben viens donc, t'es malade, toi! J'étais là, moi, j'étais là, j'ai entendu ça. Et puis donc, Pierre Mikhalov, excuse-moi mon Pierre, il nous a écrit, nous ne sommes... Non, c'est ce qu'il a écrit. Il a écrit tout ça. Un peu de calme, après la tempête, comme disait Pouchkin. C'est vrai, hein? C'est Philippe Léotard qui disait quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Il est l'un des trois auteurs de la série documentaire de France 3, Nous nous sommes tant aimés. Il a publié une dizaine d'ouvrages, dont une biographie de Noir Désir, déjà réimprimée deux fois, et qui reparaîtra chez J'ai lu en 2011, mais je vais me renseigner la date, le jour, l'heure, pour que vous puissiez vous tirer sur le livre, d'une manière quand même assez civilisée. Nous, les Québécois, nous le sommes. On va interroger un Québécois. Êtes-vous civilisé? Que c'est un Québécois. Monsieur, êtes-vous civilisé? Vous êtes de Québec? Allez-vous voter pour être séparatiste? Voulez-vous que le Québec soit souverain? La langue française, est-ce que ça vous intéresse? Voulez-vous aller plus loin dans ce cheminement? L'anglais, on devrait peut-être l'exclure un peu et amener à nos étudiants et à nos enfants la primauté francophone. Croyez-vous, monsieur? Alors, nous venons de parler à un Québécois. Noir Désir est déjà réimprimé deux fois et qui reparaîtra chez J'ai lu en 2011. Une biographie d'Alain Bachung, le dictionnaire raisonné du punk. Ça, c'est un autre livre, là. Alain Bachung, c'est un. Le dictionnaire raisonné du punk, c'est deux. Une histoire autour de Nalaire Dac, c'est trois. Un roman noir, un recueil d'un roman noir, c'est quatre. Hey, je sais plus compter après quatre, moi, là. Quatre, un, deux, trois... 4, 1, 2, 3, 3, 3, 3 plus 3, je suis perdu, moi. Je suis comme l'oiseau. T'es comme l'oiseau. On l'a déjà fait. Alors donc, Mikhalov, Monsieur Pierre Mikhalov, excusez-moi, mais je dois abréger. Je ne suis... un circonciseur, un circonciseur... Non, il n'est pas ciseur, là. Ah non, il est... non, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Oui, Rosaire, t'as-tu l'air, mon Rosaire? Mais on a l'heure de nos mal de dos. Hein. Ah, maintenant, remontons-nous en ce vendredi. Proposons-nous un ruban, un phénoméniste imagé entre vous et moi. Proposons-nous un petit peu de musique. Ça va faire du bien aux oreilles. Hein, c'est le temps, là. Êtes-vous... Les garçons de Paris, c'est-y, sont pimpants, ils sont pimpants. Sont les garçons de Paris, c'est-y, sont pimpants, ils sont pimpants. Quand ils s'en vont vers les filles, mignonne Parisette, marrait par voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Quand ils s'en vont vers les filles, mignonne Parisette, marrait par là. Quand ils s'en vont vers les filles, mignonne Parisette, marrait par là. Ils sont assis au coin du feu, Henri Tignan, Henri Tignan. Puis voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Ils sont assis au coin du feu, Henri Tignan, Henri Tignan. Ils sont assis au coin du feu, Henri Tignan, Henri Tignan. Ils regardent bouillir les pots, y'a rien dedans, y'a rien dedans. Puis voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Il regarde bouillir les pots, y'a rien dedans, y'a rien dedans. Il regarde bouillir les pots, y'a rien dedans, y'a rien dedans. Ils ont souvent fret aux pieds, fringalodant. Puis voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Ils ont souvent fret aux pieds, fringalodant. Ils ont souvent fret aux pieds, fringalodant. Ils ont aussi de menton long, l'amour vieux pan, pis voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Pis voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Voilà pourquoi Marie est en jeune, c'est pourquoi. Derrière chez nous, y'a un étang, vous l'aurez pas, yé man. Derrière chez nous, y'a un étang, vous l'aurez pas, yé man. Vos beaux canards s'en vont baignant tout le long de la rivière. Vous l'aurez pas dit la bergère, vous l'aurez pas yéman. Vous l'aurez pas yéman. Oh, vos canards s'en vont baignant, vous l'aurez pas yéman. Oh, vos canards s'en vont baignant, vous l'aurez pas yéman. Le fils du roi s'en va chassant tout le long de la rivière. Chasse, chasse, chasse, chasse, chasse, chasse, chasse, chasse, chasse. Vous l'aurez pas dit la bergère, vous l'aurez pas yéman. Vous l'aurez pas dit la yéman. Le fils du roi s'en va chassant, vous l'aurez pas yéman. Le fils du roi s'en va chassant, vous l'aurez pas yéman. Avec son beau fusil d'argent, tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur fait le roi, fait le roi. Vous l'aurez pas dit la bergère, vous l'aurez pas yéman. Vous l'aurez pas dit yéman. Avec son beau fusil d'argent, vous l'aurez pas yéman. Avec son beau fusil d'argent, vous l'aurez pas yéman. Vis à le noir, tu as le blanc, tout le long de la rivière. Oh yes, very well, monsieur, faites le noir, désespoir, vous m'entendez guère. Vous l'aurez pas dit la bergère, vous l'aurez pas yéman. Vous l'aurez pas dit yéman. Le noir, tu as le blanc, vous l'aurez pas, yéman. Le noir, tu as le blanc, vous l'aurez pas, yéman. Au fils du roi, tu es méchant, tout le long de la rivière. Oh, yes, very well, le monsieur, il fait le noir, des espoirs, vous m'entendez guère. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéman. Vous l'aurez pas, yéman. Tu es méchant, vous l'aurez pas, yéman. Au fils du roi, tu es méchant, vous l'aurez pas, yéman. D'avoir tué mon canard blanc, tout le long de la rivière. Vous l'aurez pas, dit la bergère, vous l'aurez pas, yéman. Vous l'aurez pas, yéman. D'avoir tué mon canard blanc, vous l'aurez pas, yéman. D'avoir tué mon canard blanc, vous l'aurez pas, yéman. Vous l'aurez pas dit la bergère, vous l'aurez pas yéman. Vous l'aurez pas yéman. Par-dessous l'aile il perd son sang, vous l'aurez pas yéman. Par-dessous l'aile il perd son sang, vous l'aurez pas yéman. Et paquet de boum s'en va au vent, tout le long de la rivière. Oh yes, very well, le monsieur, faites le noir, des espoirs, vous m'entendez guère. Vous l'aurez pas dit la bergère, vous l'aurez pas yéman. Vous l'aurez pas yéman. Les paquets s'en vont au vent, vous l'aurez pas, yéman. Les paquets s'en vont au vent, vous l'aurez pas, yéman. Par ses yeux sortent des diamants, des diamants d'argent, des diamants de pierre. Vous l'aurez l'aurait pas, il est mort. Vous l'aurez pas, il est mort. Par ses yeux sortent des diamants. Vous l'aurez pas, il est mort. Par ses yeux sortent des diamants. Vous l'aurez pas, il est mort. Et par le bec, l'or et l'argent. Tout le long de la rivière. Vous l'aurez pas, dit la bergère. Vous l'aurez pas, yéguément. Vous l'aurez pas, yéguément. Et par le bec, l'or et l'argent. Vous l'aurez pas, yéguément. Et par le bec, l'or et l'argent. Vous l'aurez pas, yéguément. En pour des plumes qui vont au vent. Tout le long de la rivière. Vous l'aurez pas, dit la bergère. Vous l'aurez pas, yéguément. Vous l'aurez pas, yéguément. En pour des plumes qui vont au vent. Vous l'aurez pas, yéguément. Encore des plumes qui vont au vent. Vous l'aurez pas, yéguément. Trois dames s'en vont les ramassant. Tout le long de la rivière. Vous l'aurez pas, dit la bergère. Vous l'aurez pas, yéguément. Vous l'aurez pas, yéguément. Trois dames s'en vont les ramassant. Vous l'aurez pas, yéguément. Trois dames s'en vont les ramassant. Vous l'aurez pas, yéguément. C'est pour en faire des lits de camp. Vous l'aurez pas, dit la bergère. Vous l'aurez pas, yéguément. Vous l'aurez pas, yéguément. C'est pour en faire des lits de camp. Vous l'aurez pas, yéguément. C'est pour en faire des lits de camp. Vous l'aurez pas, yéguément. Pour faire dormir tous les passants. Tout le long de la rivière. Vous l'aurez pas, dit la bergère. Vous l'aurez pas, yéguément. Vous l'aurez pas, yéguément. Vous l'aurez pas, yéguément. C'est KRL. Cultive tes goûts. Mais pourquoi, exemple, IMI France, dis pas, mais écoutez, c'est Jacques Higelin, on peut pas virer Jacques Higelin. C'est quand même la figure emblématique de la chanson francophone. C'est parce que les gens qui ont signé, Jacques Higelin, les gens qui ont aimé Jacques Higelin, ils sont plus chez IMI, IMI depuis longtemps. Okay. Ils ont été virés aussi. Alors soit ils sont partis à la retraite, soit ils ont été virés. Mais les gens à la tête d'IMI aujourd'hui, c'est des comptables. C'est tout. Alors c'est triste de voir vers où l'industrie est encore là, de la FNAC. On peut plus acheter des CD à la FNAC à Place de la Bastille, c'est incroyable. Ouais, elle a fermé d'ailleurs, ça y est, hein, je crois. Ah, je sais pas. Je crois qu'elle est fermée maintenant. Mais ils ont un disquaire qui ne vend pas de disque. C'est quand même assez ahurissant. Et là, ce que les gens vont aller chercher, c'est des chansons sur Internet. Et on dit, ah, il y a du plagiat, il y a des copies pirates. Ouais, mais à un moment donné, si on veut avoir le contact avec l'œuvre, si on veut avoir le CD, les paroles sont à quel endroit l'acheter sur Internet, c'est quand même plus, en plus de ça, c'est une arnaque manifeste, le téléchargement légal, parce que ce que tu achètes, c'est ni plus ni moins du MP3, c'est-à-dire un fichier. Tu veux dire le CD? Non, le CD, c'est bien. Oui, okay. Le CD, c'est du fichier web. Oui, la qualité du CD est bonne. Oui, c'est en web. Mais voilà, mais un fichier MP3 que tu achètes 99 centimes d'euros en France, c'est de l'arnaque. Oui. C'est de l'arnaque. C'est un fichier compressé. Le son est pourri, il faut le dire. Vrai. En plus de ça, c'est pas compatible avec tous les formats de lecture. C'est-à-dire que tu vas acheter une chanson que tu pourras lire que sur certains lecteurs. Ouais. Et c'est du vol. C'est du vol manifeste des majors. Mais pourquoi ça continue? Mais écoute, bonne question. Bonne question. Parce qu'il y a des gens qui téléchargent. Ouais, bonne question. Et surtout que les jeunes veulent avoir deux titres et non pas un album complet. Ouais. Et on oublie toujours que l'homme à tête de chou, c'est pas une chanson. C'est l'histoire. Bien sûr. Initial bébé, mais... Il y a l'homme à tête de chou, il y a l'autre. Il y a Melody Nelson. Melody Nelson, ouais. Ben oui, Melody Nelson. Rock Around the Bunker, c'est un concept album aussi. Melody Nelson, incroyable. Mm. Et, oui, c'est Rock Around the Bunker aussi de Gainsbourg, oui. C'est un concept album. Oui, oui. Alors donc, là, on ne fait plus vraiment des albums sur le concept et sur la chanson. Donc, on veut faire des. Mm. Alors, la chanson peut-être. Ça va forcément modifier la façon de créer des musiciens, c'est-à-dire qu'ils vont plus. Aujourd'hui, je pense que de moins en moins, les musiciens vont penser album, ils vont moins penser une suite de 12 chansons qu'on écoute dans un certain ordre, de la première à la dernière, mais ils vont faire des singles, ils vont faire voilà, des singles à la chaîne. Je me suis engagé pour l'amour d'une fille. Je me suis engagé pour l'amour d'une fille. Les gens qui m'ont logé m'ont bien mal enseigné, ils m'ont dit de m'en aller sans avoir mon congé. Dans mon chemin faisant, rencontre mon capitaine. Dans mon chemin faisant, rencontre mon capitaine. Mon capitaine m'a dit, où vas-tu mon ami, là-bas dans ces ballons. Rejoins mon bataillon, là-bas dans ces ballons, on s'engage une bataille. Là-bas dans ces ballons, on s'engage une bataille. J'ai mis mon sac à terre, j'ai pris mon sabre en main, je me suis battu là. Comme un vaillant soldat, du premier coup tirant, tu as mon capitaine. Du premier coup tirant, tu as mon capitaine. Mon capitaine est mort et moi je vis encore peut-être avant trois jours. Ce sera bien mon tour, celui qui me tuera sera mon camarade. Celui qui me tuera sera mon camarade. Tu m'y bandes les yeux avec un mouchoir bleu, tu m'y feras mourir sans m'y faire trop languir. Soldat de mon pays, ne dites pas à ma mère. Soldat de mon pays, ne dites pas à ma mère. Fiancé à la plus belle fille qu'il y a dans le quartier. Oh, dites-lui plutôt, je me suis engagé sur un navire anglais. Qu'elle m'y reverra jamais. Nous venons d'entendre les charbonniers de l'enfer avec les garçons de Paris-Site. Pierre Mikhalov en entrevue, en rencontre, en discussion surtout. Et les charbonniers de l'enfer avec le déserteur. Les charbonniers de l'enfer avec les garçons de Paris-Site. Pierre Mikhalov en rencontre. Et les charbonniers de l'enfer avec le déserteur. Hey, ça, c'est bis. Ça, c'est deux fois. Ça, c'est bis. Bicéphale et bizarre. Mais parce que deux fois. Pourquoi deux fois? Parce que deux fois mieux vaut qu'une, mon frère. Oh. Sous la soutane, j'en vois deux. Deux désirs. Oh. Deux fruits défendus. Oh. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Hey, là, on n'est pas dans la norme. On avait déjà l'improvisation. La semaine dernière, c'était bien beaucoup plus cartésien. Qu'est-ce qu'on a fait de René Descartes, hein? Ben, je crois qu'on l'a foutu par la porte de derrière. Mais c'est pas très bon, là. Hein? Je douille le bidibou. Oh, ben, si tu douilles le bidibou, là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Je sais qu'il y a plein de personnes qui attendaient ça. Comment c'est qu'il a fait faire pas Chabikovski? On l'entend pas, Chabikovski. Il arrive. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Ici, c'est l'antre. Nous brassons l'antre. Excusez-moi. Ça va très bien. Vous écoutez Errance Rénaldienne. C'est KRL, le 89.1 à Québec. Alors là, nous choisissons. Il y en a juste deux. T'as brassé autant juste pour deux, ben oui. Je brasse autant pour deux que pour trois que pour quatre. Oh, monsieur de madame de mademoiselle. Alors le début ou le titre? Non, le début. Le début du but. Le début est butoir, là. Hein? On s'arrête devant un front, un mur. C'est comme le nez de Cyrano. Hein? Je suis une marque de rite. Alors, au début, je dors mal depuis quelque temps. Mais ce n'est pas vraiment ce qui me préoccupe. Mais non. Véritablement, ce qui me préoccupe, c'est la Ziza. La qui? À quelque part, une musicalité que l'on perd. Ben voyons donc, toi. Ben c'est vrai. Il y a comme une compréhension autre, hein. Mais là, je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, OK. Tu me comprends? Non. OK. C'est bon. C'est très bon. Écoute, continue là-dedans. Oui. Ben, j'aime pas ça, ton oui. Redis-moi ton oui. Oui. Oh. C'est un oui de psychologue. Pas de ti, de psychologue. Oh. Mais le psy est-il ti? Le ti, OK. Tu veux dire petit? Ben, ti. Bienvenue chez les ti. Ah non, ben je sais pas, le psy est bienvenu chez les chi, oui, non, c'est pas les chi, c'est les chi. Oh, moi, chou. Anarani, ok, oui, mais sans doute. Sans doute de quoi, sans doute quoi, dis-moi quoi. Ben quoi, qu'est-ce que tu veux savoir, là? Hé, monsieur, garde, écoute-moi. Oui, je t'écoute depuis tout à l'heure. Oui, mais où étais-tu? Dans mes pensées les plus extrêmes, devant des voluptés les plus sublimes, en dehors des stratosphères, au-dessus des nuages, au-dessus de l'air, au-dessus de la noirceur, au-dessus du Big Bang, à la naissance suprême, à la première seconde du néant, du rien, de la solitude absolue, du... Qu'est-ce qui se passe, là? C'est exactement là où je me trouve. Ouais, mais là, c'est inconfortable pour notre public qui voudrait en savoir davantage. Davantage sur quoi? Moi-même, je n'en sais pas plus. Comment tu veux que j'en dirige un berger, un troupeau? Un banc? Ben ça, c'est... Le banc, c'est pour les poissons. Le troupeau? Ben, c'est pour les moutons. OK, ben le groupe? Ah, ben ça, c'est pour le peuple. Bon, OK. Alors, le banc... Attention, on va remettre ça au clair, là, parce que M. Simoneau veut rédiger dans son recueil de nouvelles tout ça. Alors, on dit que le bain, c'est pour les poissons. OK? On dit que le troupeau, c'est pour les moutons. Et on dit que pour les... Ben, c'est la troupe, c'est le groupe. OK, pour le peuple, c'est le groupe ou la troupe. Ben oui. Et moi, est-ce qu'avec la troupe, on se trompe? Ben, très souvent, on se trompe parce qu'on la voit passer, la troupe, on leur dit « Arrêtez! Vous êtes... vous êtes un bain! » Oh, vous les traitez de poissons? Ben oui, vous êtes un bain, ils savent pas. Quels sont les meilleurs? Évidemment, c'est nous. Qui sont les meilleurs? Évidemment, c'est nous. Qui sont les cheerleaders? Il n'y a pas de brasseux, on avait... Mais si on n'a plus d'instrument de musique, là, qui fait... King. Mais non, on a un chien, oh, monsieur. Oh, pas camarade. Tralala. Militaire. Continuez votre chemin. Cherchez l'absolu derrière la tranchée. Derrière la tranchée, il n'y a que... Mais je reviens, derrière la tranchée... Mais selon moi, là, derrière la tranchée, il n'y a que des tranches. Des tranches de pain, mais des étranges personnages aussi, qui veulent se faire tartiner. Mais voyons donc, oui. T'as trop d'imagination, il me semble. Mais jamais trop! Si tu compares à la majorité, c'est effectivement trop. Mais si tu compares à la minorité artistique qui, elle, en développe beaucoup, qui a des idées sur tout, Mais c'est jamais trop. Mais selon... Selon... Selon toi, je me plie à ta véritable ouverture d'esprit qui est très singulière et même jamais ouverte. Et je m'incline. La scène et les t-shirts, ouais, c'est sûr. Un peu comme Pearl Jam. Pearl Jam, aux États-Unis, faisait un album, faisait un concert, et tu pouvais acheter l'album du spectacle dans leur... Kiss fait ça aussi. Ah oui, c'est merveilleux. J'ai vu ça à Paris. Kiss. Okay, mais le premier, c'est Pearl Jam. Hein. Mais en fait, maintenant, je pense qu'ils vont tous s'y mettre. C'est-à-dire que tu fais partie partie du fan club. Et pourquoi pas, et tu commandes avant le concert ton album, ouais. Et après tu fais la queue en sortant, et ouais, tu récupères ton disque du concert que tu viens de voir. Et c'est, l'idée est folle, l'idée est bien, je trouve. Par exemple, ce soir, tu es les Stooges à l'Olympia. Ok. Alors, ce serait bien de sortir. Ce soir, les Stooges à l'Olympia. Oui, ah, Et ce serait bien de sortir avec les Stooges. Ben, pas avec Iggy Pop, mais avec le disque. Et tu dis, j'étais là. Hein? Alors, donc, ça recrée l'industrie. Ça remodèle peut-être une autre façon de voir. Et puis, je pense que là, dans ce cas-là, il y a une plus grande part qui revient à l'artiste en plus. Je pense que. Voilà. Ben, pourquoi pas? Puis, il y a moins de manigances aussi au niveau du mixage. C'est-à-dire que si tu entends un ciment, c'est un ciment volontaire ou peut-être involontaire, mais qui est là sur l'album et t'étais là, tu l'as entendu. Mm. Donc peut-être que tu t'appropries beaucoup plus le disque et des gens apprécieraient davantage ce genre de relation-là avec l'artiste. Hein? Moi, je pense que la seule chose positive qui soit arrivée dans les dernières années, c'est que les artistes ont un petit peu récupéré leurs droits. Ils se sont plus montés en indépendants, ils ont leur label. Et du coup, même s'ils vendent moins de disques, ils touchent plus de droits sur chaque disque vendu. Donc ça leur permet peut-être d'équilibrer un petit peu les choses. Un chanteur qui est quand même assez... Sa carrière est bizarre, c'est Jean-Louis Murat. C'est-à-dire c'est un type qui vit plus ou moins de son art, qui est très pauvre. Hein, et il vend, écoute, on l'entend à la radio, mais difficilement de sa musique. Ouais, ça je sais pas, il y a eu des périodes où il était... il y a des disques qui ont marché dans les années 90. Ouais, mais il y a des moments... je pense que ça a baissé, mais dans toutes les carrières d'artistes, il y a des hauts et des bas. Mais c'est... pour ce qu'il écrit, facilement, ça pourrait être une méga vedette, mais je sais pas, ça... Il a eu des débuts, c'est marrant, ouais, il a eu des débuts très difficiles, il a mis très longtemps à percer, je crois que son premier album, c'est 84. Oui. Ça a marché... Mais Dolorès, ça a été un album... Ça, c'est quelle année, ça? C'est... Ça, c'est 90. Tu vois, ça a mis longtemps à marcher, ouais. Et depuis, c'est... C'est fini, là, sur la pochette, là, ce que tu dis. Je me rappelle plus de la pochette, non. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que... un artiste, mais il faut dire aussi que c'est un gars avec la grosse tête. Hein. Je l'ai vu en spectacle, là, puis parce que le son ne fonctionnait pas, il a arrêté son spectacle, il a demandé aux gens de son de retravailler, puis je retournerai si le son est intéressant, et il ne s'est jamais représenté. Putain, pour le public, c'est nul de faire ça. C'est incroyable. Ah ouais. Necessary for this turmoil, out there, carnage. I, earthen true dove, my dear, twixt and branches, marching voodoo. CKRL, cultive tes goûts.